Cinquième partie, chapitre 11, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote, par Saint François de Sales. Cinquième partie, chapitre 11. Seconde considération sur l'excellence des vertus. Considérez que les vertus attachées à la dévotion peuvent seules rendre votre cœur content en ce monde. Admirez-en la beauté et les comparez aux vices contraires. Quelle suavité dans la patience, dans la douceur, dans l'humilité, en comparaison de la vengeance, de la colère et du chagrin, de l'ambition et de l'arrogance. Dans la liberté, dans la charité, dans la sobriété, en comparaison de l'avarice, de l'envie et des désordres de l'intempérance. Les vertus ont cela d'admirable, que la pratique en laisse à l'âme une consolation infiniment douce, au lieu que les vices la jettent dans un abattement et une désolation tout à fait déplorable. Pourquoi donc ne tâcherons-nous pas de nous procurer toute cette joie? Qui n'a qu'un vice n'est pas content, et qui en a plusieurs est mécontent. Mais qui a peu de vertus en reçoit déjà de la joie, et son contentement croît à proportion qu'il devient plus vertueux. Ô vie dévote, que tu es belle, douce et agréable. Tu adoucis les afflictions, et tu donnes de la suavité aux consolations. Sans toi, le bien et le mal, et les plaisirs ne causent que de l'inquiétude, du trouble et de l'abattement. À qui te connaîtrait assez, pourrait bien dire, avec la Samaritaine, « Seigneur, donnez-moi cette eau, Domine, dami hanc aquam. » Aspiration fort ordinaire à la bienheureuse Mère Thérèse et à Sainte Catherine de Gênes, quoique pour différents sujets. Fin du chapitre 11, cinquième partie.